étranger encore, le Maroc ou le groupe Danone, est la cible d'un appel au boycott de ses produits, un mouvement contre la vie chère, mouvement qui prend ampleur, Daniel Fortin. Oui, en moins de 6 semaines, la filiale locale du groupe a déjà perdu la moitié de son chiffre d'affaires face à une protestation de masse contre la vie chère. Celle-ci a pris naissance sur les réseaux sociaux fin avril et elle ne cesse de s'amplifier. La quasi-totalité des villes du pays sont touchées. Les commerçants et les restaurateurs ne veulent plus acheter de produits Danone parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir les revendre. C'est une affaire sérieuse pour le groupe français qui réalise 600 millions d'euros de chiffre d'affaires sur place et qui a de grandes ambitions dans tout le Maghreb. Danone est-il le seul touché par ce mouvement? Alors, le français est en pointe parce qu'il est visible. Il emploie 6000 salariés sur place. Il est un collecteur de lait important auprès des éleveurs locaux, mais il n'est pas le seul visé. D'autres produits sont touchés, comme l'essence ou l'eau minérale. D'une façon générale, les Marocains protestent contre la médiocrité de leur niveau de vie. Malgré une croissance de 4% l'an dernier, la pauvreté est endémique. Elle touche 60% de la population. Le chômage, 43%. Du coup, le pouvoir politique surveille de très près cette colère qui grandit, une colère dont Danone est devenu le symbole. Daniel Fortin, les échos, merci. J'ai envie de dire quelques petits trucs quoi, sur ce qui se passe au Maroc. D'abord, ça touche à l'agroalimentaire. Vous voyez, cette énorme machine de guerre qui ne peut plus s'arrêter. Là, on ne voit pas très bien comment, petit humain, on peut faire que ces grosses machines de guerre s'arrête. Hein. Et là, ben voilà, ils ont trouvé l'idée du boycott. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, quoi, comment. Mais en tout cas, ça crée des problèmes. Et c'est bien que ça crée des problèmes, parce que sinon, ben, ça ronronne, on n'est pas bien, ça ne se passe pas comme on veut, on rouspète, on est de mauvaise humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, les 1% qui s'en mettent toujours plein les poches, et puis les gens, les petites gens qui font leur travail pour rien du tout. Voilà, c'est un peu partout que ça se passe la même chose. Hein. C'est une grosse machine de guerre qui broie tout sur son passage. Et donc là, il faut suivre, on va suivre ce qui se passe au Maroc, voir la suite. Mais ce que j'avais envie de souligner, moi, c'est plutôt que c'est en étant tous ensemble qu'on peut, quand on crée une masse, quand on crée plein de gens sont d'accord pour casser cette grosse machine de guerre, voilà. Et c'est sûr que pour le moment, bah, on est beaucoup à se diviser, et d'ailleurs... cette grosse machine de guerre s'arrange bien pour qu'on se divise, qu'on ne soit pas d'accord. T'as des chaussettes vertes, toi t'en as des jaunes, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, c'est compliqué, et même le micro ouvert qui va suivre, moi je n'ai pas du tout envie de commencer à polémiquer si oui ou non un abattoir en ville. C'est pas de ça qu'il s'agit, quoi. Je crois que ce qui serait vraiment génial, c'est que bah, c'est un peu de l'utopie, mais visons l'utopie. C'est comme ça qu'on peut peut-être changer la donne aussi, quoi. Soyons fous. mais de casser cette grosse machine, quoi. Et dans le cas, par exemple, du Maroc, ben, on peut voir des petits agriculteurs de rien du tout avec leurs quelques vaches qui fournissent le lait à Danone. Mais comme Danone perd de l'argent, ben, ils n'achètent plus le lait du petit agriculteur. Et donc le petit agriculteur est mal, il se demande ce qu'il va devenir. Les employés de Danone mettent aussi... on les menace de perdre leur travail. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces dynamiques-là, quoi. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est inévitable. On est obligé de casser ça pour créer une autre économie. Ça me paraît logique, quoi. Voilà. Parce que sinon, les gros puissants de l'agroalimentaire, là, ils font trop gros leur malin, quoi. Et du coup, ben, ils font comme ils veulent. Ils voient de toute façon qu'il y a une masse de gens qui a peur, qui n'osent pas bouger, qui, vous savez... Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, bah, c'est ça qui va se passer dans les prochaines... Bon, je fais un peu ma maline, là, hein, mais dans les prochaines étapes, quoi. Il n'y a que ça qui... C'est un peu cette idée de toujours plus, toujours plus, toujours plus. À un moment donné, ben, c'est par ça que ça va... C'est ça qui va se passer, quoi. Les gens vont en avoir marre et seront prêts à perdre des choses parce qu'ils auront déjà perdu des choses. Et voilà. Pour créer une autre économie, quoi. voyez ce que je veux dire? Alors, le micro ouvert est parti à Anderlecht, Kurgem, à Bruxelles, faire une balade aux abattoirs, dans les abattoirs, à côté des abattoirs. Non, c'est quand même sur le site des abattoirs. Il paraît que c'est un des derniers abattoirs urbains d'Europe qu'on va entendre là. La balade se fait grâce à Cataline Sénéchal. Merci Cataline. Tout autour de Cataline, ben, dont moi, d'autres personnes, hein, ça ne se voit pas, c'est de la radio. Bon, il y a tout un travail qui est fait hein, sur ces abattoirs, enfin ce site qui est quand même immense. On n'a pas eu le temps avec Cataline de faire toute la balade, mais c'est un truc qui est quand même immense. Et il y a plein de gens qui travaillent, qui réfléchissent là-dessus parce que il y a plein de transformations. Et donc j'avais envie de vous lire un passage des gens qui cherchent, qui réfléchissent, qui travaillent sur cet Anderlecht Kurgem, sur ces abattoirs, sur ce site. Et donc je vous lis un passage hein, que vous pouvez retrouver sur le site. D'ailleurs, il y a plein de choses à retrouver sur le site. Il y a des excellents dessins qui ont été faits. Enfin, vraiment, il y a de quoi se poser plein de questions. Je vous lis le passage. Cet ancrage sociétal. Donc ce site hein, d'Anderlecht, Kurgem, ce site des abattoirs, du grand marché, tout ça, cet ancrage sociétal est aujourd'hui menacé par un lissage urbanistique issu en droite ligne des nouvelles tendances du management urbain qui veut marquer les territoires par une logique de compétitivité venue d'en haut. La multitude des champs qui traversent le lieu ouvre la voie à de nombreux débats méritant une enceinte plus vaste que le huis clos des négociations entre pouvoir public et gestionnaire de l'activité. Quelle filière alimentaire dans les villes? Quelle survie pour une ville tertiaire qui délocalise toujours plus loin ce dont elle se nourrit? Quel lien entre un quartier, ses habitants et un lieu de production? Le rayonnement d'un quartier peut-il se penser en outrepassant les besoins de ceux qui y vivent? L'urbain peut-il déléguer tout le poids de la mise à mort de l'animal sur la seule responsabilité des abatteurs? Le rituel d'abattage est-il une pratique du passé? Le résidu d'un geste religieux, ou est-il porteur d'un acte assumé de notre mode de consommation? Souvent caché et vécu comme un tabou, la problématique de l'élevage, de l'abattage et de la transformation des animaux en produits de consommation est pourtant un enjeu d'une grande importance. Un abattoir urbain pratiquement effacé des cartes des villes renvoie tant à des questions d'ordre. Et vraiment, enfin ça c'est moi qui rajoute, c'est vraiment un endroit de recherche super intéressant sur plein de questions qu'on se pose aujourd'hui à grande échelle. Hein. Donc je répète, un abattoir urbain pratiquement effacé des cartes des villes renvoie tant à des questions d'ordre écologique, urbanistique, économique, social que philosophique ou éthique. S'intéresser au devenir des abattoirs, c'est affronter la complexité de l'écosystème urbain et mener une réflexion impliquant l'ensemble de la collectivité. Je sais que nous pensons de même et posons les mêmes problèmes, que nous nous battions à côté ou que nous soyons séparés, que tous deux nous serrons les poings. Voir qu'un homme est licencié parce qu'il ose se révolter contre le petit chef qui l'opprime. Nous éprouvons la même haine contre l'ordre et l'autorité que les mômes dans les lycées qui luttent et se font matraquer parce qu'ils refusent l'enseignement qui prétend que la liberté c'est leur avenir stérilisé. Dans la légalité bourgeoise, nous ne pouvons pas nous taire quand un travailleur algérien se fut tabassé par les flics et insulté bien pire qu'un chien. Et qu'il faut pour que ça s'arrête qu'on soit des milliers dans la rue, Français immigrés tous unis pour que les flics s'en relèvent plus. Nous faisons partie, toi et moi, ces gens qui en ont marre de s'éreinter à travailler au profit d'une minorité. HLM, cité dortoir, foyer bidonville ou coraux, pour qui parlez du droit de vivre, vous nous faites vivre en prison. Je sais que si nous nous aimons à travers le même combat, c'est que nos révoltes sont sœurs et cognons-nous le même sang. Un sang qui bien sûr coulera, versé pour la cause du peuple, pour qu'un jour tous les travailleurs s'unissent et prennent le pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Oui, on va se mettre autour de la table. Il fait meilleur ici, hein ? Parce qu'après, on va pouvoir aller se balader dehors. Donc juste un petit mot d'explication sur qui on est, qui et qu'est-ce qu'on fait. Alors, moi, je m'appelle Cataline Sénéchal. Je travaille pour un projet qui s'appelle Forum Abattoir, qui, depuis 3 ou 4 ans, investigue la place de l'abattoir en ville. Investigue pourquoi ? Parce qu'il y a des projets de développement sur le site. Et pour soutenir... On s'est dit qu'il était important qu'il y ait une participation des habitants, au sens large, sur son devenir. Alors, Forum Abattoir, c'est un partenariat entre Inter-Environnement Bruxelles, la société Abattoir et le centre de rénovation urbaine. Donc, comme je l'ai dit, ça fait 3-4 ans qu'on fait ça. Et on a aujourd'hui, une des choses qu'on fait, c'est des balades qui nous permettent à nous, en fait, d'entendre aussi les remarques, les besoins de ceux qui sont usagers du site, de ceux qui y travaillent, de ceux qui vivent de ceux qui vivent à côté et de ceux qui viennent ici pour acheter de quoi remplir leur caddie une fois ou deux par semaine. Alors, sur la table, là, vous allez pouvoir voir le site tel qu'il est aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit peu l'idée. On est là, c'est ça ? Non. Alors. On est où ? Où est-ce qu'on pourrait être ? Non, c'est pas clair. Non, on est ici, là. Vous êtes là ? Nous sommes ici. On est venu d'ici, puis on a marché. Les taureaux, là. Voilà, les taureaux, ils sont là. Et effectivement, on est dans ce petit coin ici, juste au coin, qui est avec les grandes fenêtres ici. Et ceci, c'est ce qu'on appelle le Food Met. Donc, le Food Met, c'est le nom du bâtiment, parce qu'en fait, ici, sur les abattoirs, ils ont décidé de mettre Met un peu partout. Met, ça veut dire marché en bruxellois. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Food Met. Mais il y a quelques années, en fait, le Food Met, il n'avait pas tout à fait cette superficie. Il avait juste cette petite partie-là. Et en 2015, il y a toute cette partie-là qui a été construite et inaugurée. Aujourd'hui, ce bâtiment-là accueille le marché aux viandes, ainsi que d'autres activités. Et avant, le marché aux viandes, il était situé ici. Voilà. Alors, comme ça, il y a d'autres types de balades, mais nous, on va aller un petit peu se balader dans le quartier aussi cette fois-ci. L'autre type de balade qu'on fait, c'est vraiment essayer de découvrir et de marcher tout autour. Mais c'est un grand site, hein, ça fait ici, ça fait presque 900 mètres, puis 900 mètres, donc c'est énorme. Hein, c'est... Le site de l'abattoir, oui, en tant que tel. Le site de l'abattoir est très très grand. Et donc, du coup, rien que faire le tour, ça pourrait nous prendre une heure et demie facile si on veut bien regarder tout ce qui se passe. Donc, cette fois-ci, on va sortir, mais cette maquette vous permet un peu d'apprécier le site. Donc, ici, on a la halle, c'est la halle centenaire. Elle a 126 ans. Et puis, là, c'est là toute la structure de l'abattoir. Alors, cette structure-là, on la voit pas si facilement que ça, parce que souvent, la plupart des gens restent autour de la halle et ne vont pas là-bas. Alors, donc ça, c'est une chose. Les animaux arrivent, en fait, ici. Ceci, donc juste à l'arrière de la halle. Ceci, c'est les étables. L'endroit où elles sont tuées, c'est ce petit bâtiment-là. Et puis là, un peu plus loin, on a en fait toute une série de frigos. Et tout ceci, ce sont des ateliers de découpe, des ateliers de grossistes où se travaille la viande. Donc ça, c'est un truc. Alors, vous avez les échoppes aussi que vous voyez en front de rue et ce grand parking qui permet d'accueillir les gens, de les voitures des gens. Mais la plupart des gens ici viennent en transport en commun pour le grand marché qui a lieu trois fois par semaine, le vendredi, le samedi, le dimanche. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Attends, tu dis le bétail, donc c'est encore actuel qu'il y a du bétail qui est tué ? Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, et il arrive par là, il arrive par quel, par des camions, comment est-ce qu'il... Alors, il arrive en petit camion, effectivement. Donc, les animaux, il y a à peu près, ici, c'est un abattoir semi-industriel, donc il y a à peu près 400 à 500 bovins qui sont tués par semaine et 3500 porcs. Il y a deux lignes d'abattage. Quand je dis semi-industriel, c'est parce que c'est des chiffres qu'on retrouve plutôt par jour dans les gros abattoirs. Alors, c'est un abattoir. Là, vous avez une autre photo dans le journal. Vous pourrez prendre un exemplaire hein, si vous voulez. Vous avez une autre photo. C'est une photo de l'abattoir tel qu'il a été construit en 1890. Donc, il y a quand même quelques différences. Je ne sais pas si... vous arrivez à percevoir ce que sont les petites choses ici, en fait, sur le côté. Ici ? Oui. C'est des hangars pour mettre les bêtes en attendant. Ça se voit pas très bien. Non, des vignettes. Alors, sur la... en fait, c'est des wagons. Voilà. C'est des wagons, donc c'était avant, en fait, au tout début, donc en 1890, l'abattoir était doté d'une gare qui était directement reliée à la gare de l'Ouest, qui est située pas très loin d'ici, et tout le bétail arrivait par voie ferrée. Alors, c'était quelque chose qui était ultra moderne pour l'époque, parce que ça permettait deux choses, ça permettait l'acheminement, mais ça permettait aussi donc l'acheminement des bêtes, mais ça permettait aussi après le transport de la viande en frigorifique. Alors c'était aussi important parce que il a été construit à l'époque où il y avait une grande urbanisation ici. Finalement, juste avant, 20 ans ou 30 ans avant, Bruxelles se limitait aux limites de la petite ceinture, quelque part, d'aujourd'hui. Et donc, 1890, 1870, c'est vraiment la période de grande urbanisation. Et ils ont décidé d'interdire le passage des animaux en ville. Donc, on ne pouvait plus se balader avec des troupeaux et les amener tranquillement aux abattoirs. Ce qui était une grosse difficulté pour un abattoir. Là, vous avez une autre photo, et je pense que ça se voit dessus. Ici, c'est l'abattoir de Kureghem. Et en fait, non, ça ne se voit pas trop au-dessus. Mais un petit peu plus loin, en fait, il y avait l'abattoir de Bruxelles-Ville, qui, lui, était beaucoup plus ancien, qui est là depuis 1850 à peu près. Et donc, cet abattoir-là, il n'avait pas d'accès aux voies de transport ferrées. Et donc, il a grandement périclité. Après, l'abattoir d'Anderlecht a pris le dessus. Donc, ici, c'est un abattoir. C'est assez important. C'est le dernier abattoir en ville. C'est aussi un des plus anciens. Et d'autre part, là, vous avez encore d'autres images de comment l'abattoir était organisé. Vous pouvez voir que ce n'est pas du tout la même structure. C'est une structure avec des petits bâtiments un peu jetés sur le site. L'abattoir tel qu'il a été construit à cette époque-là, tel que vous le voyez sur la maquette, c'est un abattoir qui a été construit en 1980, entre 84 et 86, les premières pierres, et puis donc il a été construit. Alors, en 1982, c'est important. C'est l'époque où à peu près tous les abattoirs situés un peu partout en Belgique se mettent à fermer. C'était des abattoirs qui étaient communaux, parce qu'avant, les abattoirs étaient considérés comme un service public, un service à la population. Et après, dans les années 80, ils ont été obligés de répondre à des critères de rentabilité et aussi à des critères d'hygiène qui étaient nouveaux, qui débarquaient. Et la plupart des communes n'ont pas trouvé l'argent pour pouvoir, rénover leurs abattoirs. Celui-ci a été déclaré en faillite en 1982. Mais tout autour, et c'est un petit peu aussi ce qu'on va pouvoir voir en sortant, il y avait un énorme... C'était un quartier de viande, Kerugem. Un quartier de viande orienté autour de la viande. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ces deux abattoirs, comme je le disais, l'abattoir de Bruxelles-Ville, qui était situé au bout de la rue Evart, et l'abattoir d'Anderlecht. Et autour de ces deux pôles, se sont installées en fait toutes des entreprises liées à la viande, soit des boucheries, des ateliers de découpe, mais aussi des activités liées au traitement des déchets, entre guillemets. Des endroits où les fameuses tanneries, même si on ne peut pas dire que le cuir est un déchet, mais ce n'est pas de la viande. Il y avait aussi des frigorifères. Il y avait aussi un traitement spécial du sang qui intervenait dans les engrais, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, quand l'abattoir a été déclaré en faillite par la commune, c'était une catastrophe pour le quartier, parce que ce n'était pas juste un quartier de viande, parce qu'il n'y avait pas que ça. Parce que là, on voit sur les petites photos, on voit d'autres choses. Il y avait aussi des grosses entreprises autour de la mécanique, de construction, de trams, de voitures. Il y en a encore, hein. D'ailleurs, des voitures, mais aussi ateliers de confection. Et donc, toutes ces entreprises, dans les années 60, étaient en train de quitter, depuis les années 60, quittent le centre de Bruxelles pour aller vers les périphéries. Ou alors, ce sont parfois des activités qui n'étaient plus au jour, donc qui finalement fermaient parce que, voilà. Donc, par exemple, une fabrique de bougies qui était située, en fait, sur le square Albert actuellement. Là, c'était la manufacture royale de bougies. Alors, quel est le lien avec la viande ? Ben, on utilisait la graisse, en fait, pour fabriquer les bougies. Puis bon, la graisse, ça pue la graisse. Enfin, la bougie à la graisse, ça sent vraiment pas bon. On est passé à autre chose. Et cette entreprise, s'est fermée. On a construit le logement social à la place. Et donc, comme ça, tout était en plus ou moins en train de fermer. Donc, du coup, les gens qui travaillaient grâce à l'abattoir, donc pas uniquement les gens qui travaillaient sur l'abattoir, les abatteurs ou ce genre de choses, mais aussi des charcutiers, des restaurateurs, des gens qui travaillaient les pots, se sont mis ensemble et ont repris l'abattoir. Donc c'est pas sous une forme de coopérative, mais sous une forme de société anonyme, mais ils ont quand même repris l'abattoir. Et ils ont repris l'abattoir sous une forme de bail emphytéotique, donc c'est-à-dire que le terrain n'appartient pas à la société, il appartient à la commune. Ça appartient à la commune, mais petit à petit aussi, ils ont racheté des bouts, parce que chaque fois qu'ils font des gros investissements, ils veulent les garantir. Donc ils ont racheté, par exemple, cette partie-là leur appartient. Et quand tu dis « ils », c'est... À la société abattoir. Et donc ça leur appartient, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On en est avec une structure qui est des années 80. Les normes ont encore changé. L'AFSCA a de plus en plus de règles à faire respecter, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Je veux dire qu'effectivement, il est quand même nécessaire de faire attention à ce qu'on mange, mais il y a aussi des choses qui sont véritablement très techniques. La taille des carreaux, des choses, des carreaux sur les murs. Donc il y a parfois des choses très techniques. Donc du coup, l'abattoir ici, il n'arrête pas d'essayer de les respecter, de changer, de faire des petits changements. Donc c'est un peu difficile. Et ils ont décidé de reconstruire un nouvel abattoir. Voilà, donc il y a un projet FEDER qui est en route, qui s'appelle Manufacture Abattoir, qui accueillerait bientôt pas uniquement l'abattoir, mais aussi d'autres activités liées à la transformation. Et donc, il se situerait, en fait, ici. Donc on retire un petit bout, ici, qui est au bout. Donc, il y a un an, là c'était les pots, non ? C'est toujours le cas ? Alors, c'est plus le cas. Non. Non. La famille Guérôme, qui est encore participante de la société Abattoir, hein, qui est un participant historique, eux, en fait, ils sont partis du côté de Nivelles, dans un espace qui est quand même un peu plus récent aussi. Eux, ils doivent respecter toute une série de règles. Et alors, eux, ils profitaient, en fait, de tout ce qui est abattu aux abattoirs, donc ils salaient les peaux. Mais il faut savoir que ce genre de travail n'existe quasiment plus en Belgique, donc il y avait beaucoup de peaux qui venaient d'un peu partout en Belgique. Et donc finalement, ça devenait essentiellement de l'import-export, parce que ce qui arrive ici aux abattoirs est salé et repart pour être traité en Belgique, vous croyez ? Non, évidemment. Non, hein ? Voilà, parce que pour traiter les peaux, il faut des produits chimiques qui sont la plupart du temps interdits ici en Europe. Je crois que l'Italie est un peu moins regardante, et donc il y a quand même des peaux qui partent en Italie. Des peaux ? Des peaux, la piel. Qui part en Italie, mais surtout c'est la Chine, le Maroc et d'autres parties qui fait le travail, puis ça revient ici. Mais, ici, qu'est-ce qu'on tue d'avant ? Enfin, quelle est la viande la plus consommée en Belgique ? La race ? La race de... Oui, le porc, mais dans les bovins, quelle est la race ? La blanc-bleu belge. Alors, ça permet juste de faire une petite chose, puis après, on va rentrer dans notre sacré, notre viande. Hein. C'est juste que la blanc-bleu belge, c'est le fleuron de l'élevage belge, parce qu'il a été... C'est le fruit d'une sélection, longue, qui part en fait de la vache bleue, en fait. Et ils ont profité d'une anomalie génétique. C'est-à-dire que c'est une bête qui naît avec un gros arrière-train, vraiment gros. Et ça intéresse beaucoup. On va juste. On t'entend très bien. On m'entend très bien. Enfin, moi, je ne suis pas vous. Ouais, mais. Attends, excusez-moi, juste. Bonjour, désolée. Merci. Et donc, cette vache. A donc un arrière-train très proéminent, et donc ils ont fixé cette anomalie. Ils en ont fait une race. Alors, elle a un autre intérêt, c'est qu'elle est très... La viande est maigre, et donc c'est aussi recherché la viande maigre. C'est recherché. Et une autre chose, c'est que pour pouvoir sentir la qualité des tissus, il faut que le gars qui achète la viande pince la fesse, je vais te pincer les fesses si tu veux, pince la fesse de la bête pour sentir ce qu'il y a en dessous. Donc ils ont aussi sélectionné pour que la peau soit très très fine. Et donc, mais cette peau très fine, par contre, n'est pas bonne pour le cuir. Et par ailleurs, il y a une autre chose qui est assez importante chez nous. Est-ce que dans la campagne, quand vous vous baladez, qu'est-ce qui sépare les champs des autres champs ? Comment est-ce qu'on sépare ? Des clôtures. Qui déchire les peaux. Tout à fait. Elle déchire les peaux, donc c'est aussi une peau qui est parfois un peu abîmée. Et dernièrement aussi, est-ce que vous savez sans doute que la blanc-bleu belge ne peut pas véler naturellement. Et donc, du coup, la plupart du temps, les peaux ont une césarienne. Donc, du coup, c'est une peau qui n'est pas utilisable en grand. Donc, c'est intéressant de penser... Enfin, moi, je trouve ça intéressant de tirer comme ça les fils sur... OK, on a un type de race, c'est positif pour certaines choses. Et puis, quand on discute avec ceux qui travaillent les peaux, ils nous disent que ces peaux-là, en fait, n'ont pas beaucoup de valeur en termes... Ils ne peuvent pas, par exemple, faire des grands... les fauteuils où ils ne peuvent pas utiliser en grande taille, donc c'est utilisé pour des petites pièces. Voilà, une petite histoire. Bon, on a eu bien chaud. Oui. L'abattoir, il est propriétaire de la halle aussi, ou bien... Oui. C'est-à-dire que... Et on va aller sous la halle, hein, et alors là, on va continuer un petit peu. Mais effectivement, la halle qui est classée est sous... c'est à leur propriété. C'est la question, c'est sous la responsabilité d'eux. Donc ça veut dire que toute la rénovation de la halle dépend de la société abattoir et pas du public. Et donc du coup, comme c'est classé, on a un problème de fond. Parce que l'État n'intervient que pour 20% des rénovations. Et donc, quand on va voir les... on va faire un tout petit tour et on va voir que un peu plus, qu'il serait quand même nécessaire de faire une belle rénovation assez vite. Voilà. Qu'est-ce qu'autour le dynamisme de commerce, de, comme tu as dit, boucherie, tanneur, etc., est toujours aussi présent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a toujours un dynamisme commercial ? Le dynamisme commercial, si on compare aux années 60, il est moindre, évidemment. Voilà. Parce que le dynamisme commercial à l'intérieur des villes est généralement moindre en termes de rapport de d'un point de vue productif, on entend bien. Bah, sinon, il y a toujours des échanges commerciaux et tout ça, c'est dynamique, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours du lien avec les activités, mais on va dire que c'est plutôt des liens commerciaux que productifs. Alors, il y a ici quand même sur le site en lui-même, on va en parler chiffres, hein, la société annonce qu'il y a à peu près 700 équivalents temps plein qui dépendent de son site. Alors, ça se divise au marché, le grand marché généraliste. Donc, il y a quand même 100 000 personnes qui viennent sur les 3 jours. Et là, c'est plus ou moins 400 personnes qui travailleraient en équivalent temps plein. Alors, évidemment, il y a des gens qui travaillent 3 jours semaine pendant quelques heures. Donc, c'est vraiment, il faut imaginer qu'il y a beaucoup plus de monde qui dépend de l'abattoir, parce que c'est beaucoup de temps partiel sur les marchés. Et sur le secteur viande, il y aurait à peu près 300 personnes qui en dépendent et qui travaillent sur le site. Dedans, comment est-ce qu'on arrive à 300 personnes ? Eh bien, il y a à peu près 27 sociétés qui travaillent. Parce que c'est abattoir en lui-même, la société, abattoir, n'est finalement que gestionnaire. Et elle met à disposition des espaces de travail à toute une série de petites entreprises. Elle est sûrement actionnaire aussi un peu. Des entreprises ? Non, non, non. Certaines entreprises sont actionnaires d'abattoirs. C'est le contraire. Donc, par exemple, Guéromes était actionnaire d'abattoirs. D'autres entreprises aussi le sont. Donc, il y a dans ces 24, c'est en de 10 à 20 personnes. Et donc, en faisant le compte, on arrive à ces chiffres de 300. Qui sont indépendants des 700 dont tu as parlé tout à l'heure. Non, conclus. Qui sont inclus. 400 pour le marché et 300 à peu près pour la viande. Et donc, par exemple, au niveau de la société, des sociétés d'abattage, je vous ai dit qu'il y avait des gros animaux comme les bovins. Mais, et il y a les cochons. C'est deux entreprises différentes qui gèrent. Il y en a une qui est pour la ligne des cochons et l'autre pour les agneaux et les bovins. Et donc, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent. Et puis, il y a Avian, il y a Guéromes, comme on disait, qui ne sont plus là, mais bon. Goffard, il y a aussi beaucoup de noms flamands que je n'arrive pas à prononcer. Voilà, Manupolis. Donc, il y a toute une série. Et si on faisait un tour, il y a une grande carte qui date des années 80, non, des années 90. Il y a toute une série de noms en fonction des ateliers. On va voir qu'il y a à peu près la moitié qui sont encore là, depuis les années 90. Et puis l'autre, en fait, soit c'est des sociétés qui se sont un peu élargies, soit c'est la boucherie Ali, c'est d'autres entreprises qui sont venues, et davantage dans le commerce ou de la viande qu'on dit ethnique, c'est-à-dire liée à un certain régime alimentaire. Voilà. Mais la plupart des ateliers de découpe, peut-être il y en a un ou deux qui est vide, mais sinon la plupart sont occupés. Donc quelque part, le site, lui, reste dans le dynamisme assez impressionnant. On ne va pas le voir maintenant fort dynamique parce que ce n'est pas le jour de marché. Et puis la viande, ça se travaille la nuit. Ça s'abat à partir de 6h du matin, et puis jusqu'à 11h. Et puis ça reste un peu tranquille dans les frigos. Et c'est travaillé dans la nuit. Pourquoi ? Alors, pour la découpe, il faut attendre à plus ou moins 24 heures pour travailler. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils travaillent encore la nuit ? Je crois que c'est des vieux restes des habitudes. Parce qu'il fallait qu'avant, la viande arrive le matin dans les commerces. Et donc, du coup, c'était découpé frais pour arriver. Mais puis, avant, c'était surtout découpé juste en carcasse. Ce qui a beaucoup changé aussi. Aujourd'hui, on voit ça Mon Dieu, il pleut encore plus que tout à l'heure. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, le travail, c'était surtout de la découpe en quartier. Et aujourd'hui, dans les ateliers, on va avoir du découpe en petits morceaux. En du prêt à, presque du prêt à trancher. Donc, on va avoir des grosses noix de steak déjà découpées et envoyées sous vide. Et donc, si on veut voir l'activité, on doit venir entre 6h et 9h du matin, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a tous les camions qui viennent chercher la viande. Et donc là, on va avoir beaucoup de trafic au niveau des petits camions. Voilà. 6h du matin. Est-ce qu'on sait si les travailleurs du site sont beaucoup des gens du quartier ou pas forcément ? Y en a pas mal qui y étaient et qui sont partis petit à petit, parce qu'en fait, dans le quartier, c'est une zone de premier ancrage, donc ils s'installent là, et puis s'ils ont une famille, ils vont un peu ailleurs. Ça dépend très très fort, en fait, des grossistes. Il y a des grossistes où il y a des gens qui travaillent là, dans le quartier, et puis il y en a d'autres où, finalement, même la main-d'œuvre, ils la font venir, en fait. Voilà, d'ailleurs, un pays de l'Est, avec des vrais contrats, hein. Voilà. Mais ça, c'est un peu plus compliqué à dire, parce qu'on est en train d'essayer de faire une recherche là-dessus. Donc, on passe grossiste par grossiste pour savoir un peu qui travaille pour eux. Ils ne sont pas tout à fait enclins à raconter. C'est une question. Enfin, voilà, c'est un peu comme si moi je débarquais au soir et que je demandais. Ils habitent loin, vos travailleurs ? C'est la question du rapport de qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Mais c'est vrai qu'au niveau d'Abaco, par exemple, là, on a vraiment des gens qui viennent du quartier parce qu'il y en a plein qui ont été formés dans des associations pas loin et qui sont venus travailler ici dans une association, le CAF. Donc, il y a ça. Par contre, là où on va vraiment trouver beaucoup, beaucoup d'habitants du quartier, c'est sur le marché. Là, on arrive vraiment à faire un lien entre le... Mais il faut savoir que le travail de la viande, c'est un travail, en fait, très qualifié. Et donc, du coup, le problème du quartier, c'est aussi son manque de qualification, enfin, des habitants du quartier ou des travailleurs. Dans ce domaine-là. Le manque de qualification pour pouvoir... voilà. Donc, ils sont obligés d'aller voir, de chercher plus loin leurs travailleurs. Voilà. Mais il y a, dans les années 60, à l'époque où l'abattoir était communal, il y avait toute une série de postes qui étaient pour des employés communaux. Et donc là, forcément, il y avait un lien avec le quartier, parce que souvent, il fallait habiter le quartier, enfin, la commune, pour avoir prétendre à un emploi, ce qui est beaucoup, beaucoup moins maintenant, mais dans les années 70-80, c'était encore très fort de pouvoir profiter d'un emploi de la commune. J'ai une petite dernière question. Est-ce que c'est le nombre de commerces autour du site qui dépendent du site ou qui ont des interactions ? C'est pour ça qu'il faudra discuter avec Corentin Sanchez qui fait ce travail-là. Moi, je peux juste montrer cette petite carte. Et d'ailleurs, vous en avez tous, c'est pour vous. Alors, cette carte donc représente, c'est un petit dessin. Hein. Voilà. Et donc, il y en a encore là, servez-vous. Alors, ça dépend de la question en quoi dépend. Donc, ce qui dépend des flux générés par le quartier, par la présence du marché, qui sont énormes, vu qu'il y a 100 000 personnes qui viennent ici en 3 jours. Donc, c'est pas mal comme chiffre. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent et qui peuvent aller aussi acheter des choses dans le quartier. Alors, là-dessus, on a les commerces de produits exotiques. Étant donné qu'ici, il y a pas mal... C'est un marché qui est beaucoup fréquenté par des personnes issues de l'immigration qui trouvent, en fait, ce qu'ils cherchent à manger, hein, voilà, ce qu'ils aiment. Qu'on peut considérer qu'en jaune, là, les détaillants de nourriture exotique dépendent de l'abattoir. D'ailleurs, ils sont venus s'installer il n'y a pas si longtemps. Hein. Il y a une quinzaine d'années, quand on se baladait par ici, il y en avait beaucoup moins. Puis encore en rouge, là on voit aussi tous les boucheries halal en rose. Voilà. Ce qu'on voit aussi très fort dans le quartier, c'est l'autre marque, hein, c'est le bleu. le commerce de voitures. Un commerce de voitures dépend ou dépend pas de l'abattoir, c'est compliqué. Mais en même temps, un peu, parce que une des personnes qui était très très, une des personnes qui a mis en place le marché ici, le grand marché, avait aussi en fait un commerce de voitures. Et avant, il y avait un commerce de voitures d'occasion sur le site. Donc quelque part, on peut dire qu'il y a aussi un rapport. Mais le rapport le plus direct, c'est la présence des Libanais qui ont mis en place tout un marché de voitures d'occasion à l'époque où le Liban avait besoin de voitures mais n'avait plus d'unité de production. Et donc du coup, ils étaient très friands de voitures d'occasion. Puis ça, c'est ce marché-là s'est tari et aujourd'hui, les voitures d'occasion sont à destination de l'Afrique subsaharienne. Tout à fait. Ça va jusque Cotonou, voilà. J'allais dire à chaque fois, j'ai envie de dire Bamako, mais c'est Cotonou. Mais donc apparemment à Cotonou, Bruxelles n'est pas connue, mais Hayward, oui. Ça c'est une petite anecdote que raconte Martin Rosenfeld, qui a fait un gros travail sur les voitures, donc le marché de voitures d'occasion. Voilà, et c'est un marché qui tend peut-être à se tarir aussi, parce que l'Afrique subsaharienne tend à mettre des limitations dans les voitures, donc l'âge des voitures. Ah ouais, donc du coup, ne peuvent rentrer en Afrique que des voitures qui ont, je ne sais plus très bien la date, mais en tout cas plus nos ancêtres. Et donc, ça limite fortement le passage. Et puis, c'est des voitures aussi qui arrivent aujourd'hui. C'est des voitures qui sont un peu en plastique. Hein. Donc, il n'y a plus de métal. Le métal est moins utilisé. Donc, pour les réparer, c'est plus compliqué. Puis, les ordinateurs, ce genre de choses qui sont à l'intérieur des voitures. Donc, il va bientôt savoir qu'est-ce qu'on va faire, nous, de nos voitures d'occasion, parce que l'Afrique n'en veut plus. Enfin, l'Afrique, oui. Les Africains peut-être, mais en tout cas, les pays africains font une limite. Bon, peut-être qu'ils vont développer leur propre unité de production, et ce serait pas mal. Voilà. Donc, oui. Question. Vous savez le pourcentage de viande qui est vendue, abattue dans le site, qui est vendue dans Bruxelles et hors de Bruxelles? On part, alors un vieux chiffre comme ça, mais à vérifier parce que je l'ai entendu il y a longtemps, c'est 2%. 2%? 2% de la consommation de viande belge, de Belgique. De Belgique, pas de Bruxelles, ça je ne connais pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce qui est abattu ici, c'est pas du taureau, enfin surtout pas du bœuf, parce que le bœuf, il n'y en a plus, hein, on ne fait plus vraiment de bœuf aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est trop long. Parce qu'un bœuf, quand tu lui, un taureau, quand tu lui coupes les testicules, il va prendre beaucoup plus de temps à maturer, à devenir gros, lourd. Mais par contre, la viande va être bien grasse. Et donc, comme on est dans une production, il faut aller toujours plus vite. Donc, on ne coupe pas. Et puis, je pense qu'il y a aussi, il y a peut-être aussi des questions de bien-être animal dans cette histoire-là. Mais donc, le bœuf en lui-même n'est plus abattu. On abat des jeunes taureaux. Mais les jeunes taureaux, on ne les abat pas ici. On abat très très peu de jeunes taureaux. Ce qu'on abat, c'est éventuellement du veau, mais pas trop du jeune taureau. Enfin, pas du jeune taureau. Ça alimente plus la grande distribution. Ce qu'on abat ici, quand on pose la question aux gens qui travaillent, ce qu'ils veulent, c'est de la vache. De la vache, parce que la vache est plus grasse. Et la vache, c'est ce qu'on va retrouver dans les boucheries et chez les restaurateurs davantage que la viande maigre des mâles non castrés. Les acheteurs de la viande sont les bruxelloises, sont les... Ah, est-ce que c'est un commerce? C'est quoi la question? Et viennent à Bruxelles. Le travail en Bruxelles. Oui, alors où va la viande? Alors la viande, elle va un peu partout en Belgique, mais effectivement, il y a énormément qui se vend ici à Bruxelles. Donc il y a quand même un rapport de proximité. Mais comme je disais, c'est surtout de la viande de vache, donc c'est de la viande plus chère. Et donc ça va être dans des boucheries qui ont un standing un peu plus haut, donc de qualité. Mais en même temps, comme il y a 23 grossistes, il y en a qui font aussi que de l'agneau. Hein. Et de l'agneau, il est pas, il grandit pas en Belgique, hein, il grandit en Écosse, en Hollande, voilà. Et il arrive ici déjà abattu, il est coupé ici, et là il alimente toutes les boucheries de Bruxelles. Et là c'est un autre, c'est encore autre chose. Parce que en fait eux, c'est surtout ils travaillent les épices. Ils mettent ça. Eux, c'est qui? Les grossistes qui travaillent sur le site et qui font de la viande halal d'agneau. Il y a quelques grossistes qui travaillent l'agneau, mais c'est un agneau de grande qualité qu'on ne va pas retrouver dans les boucheries du quartier. Enfin, qualité, cher surtout en fait. Parce qu'eux, à mon avis, seraient contents d'avoir la qualité à un prix bas. Tout le monde d'ailleurs. Mais disons que c'est. Voilà. Alors, le projet manufacture dont tu parles, ça concerne ce bâtiment-là et d'autres choses ou non? La manufacture, c'est ça, ça coûte. J'ai un problème avec les chiffres, hein. Moi je ne suis pas très douée, mais je crois que c'est 9 millions d'euros, un truc comme ça, donc c'est très cher. Et donc l'idée, c'est quand même de regrouper dans un bâtiment qui aurait plusieurs étages tout ce que. Voilà, hop. Tout ça. Ah bah là j'ai encore des petits blocs, hein. Ça c'est le futur, c'est le master plan abattoir, mais c'est un master plan qui est évolutif et qui ne dit rien, mais ça laisse la place pour construire des entrepôts urbains qui vont se mettre ici, donc à la place de l'ancienne structure d'abattoir. On va peut-être quand même garder la station d'épuration, voilà. Et donc ça permet de libérer beaucoup d'espace pour pouvoir étendre le marché, parce que ça rapporte beaucoup le marché, hein. Et de construire des entrepôts qui ne sont pas très bien mis là, on va dire que ça va aller comme ça. Et là, leur affectation n'est pas encore définie. Rien à voir avec la viande, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Et donc là se pose effectivement la question de qu'est-ce qu'on peut mettre à côté d'une structure d'abattoir pour que cette structure d'abattoir puisse continuer à travailler. Parce qu'une structure, un abattoir, malgré tout, on ne peut pas mettre des produits chimiques. Et puis aussi mettre de l'habitat juste à côté d'un abattoir. En même temps, il y a eu des propositions au moment, ça discutait pas mal, ça c'est les urbanistes, ils me font toujours rire, j'aime beaucoup les urbanistes, ils sont pleins de rêves. Ils voulaient mettre de l'habitat au-dessus de l'abattoir, donc des côtes étudiants au-dessus d'un abattoir. C'est presque cynique. Presque cynique, pourquoi ? Je sais pas, ça me semble un peu improbable de mettre des gens habiter au-dessus d'une boucherie où il y a 500 bêtes qui meurent par semaine, ça me semble un peu absurde. Même plus, tout à fait. Et c'est pour ça que justement, je me suis dit que j'allais faire ce genre de balade, le sacré et la viande, parce que ça a à voir avec ça, en fait. Donc c'est une dame, un jour, je lui raconte ça, et elle me dit à peu près la même chose, pas cynique, elle me dit « On ne dort pas au-dessus du sang qui coule. » Et donc je me suis dit « Bah oui, on ne dort pas au-dessus du sang qui coule, ça ne se fait jamais, on ne met pas... Dans un corps de ferme, à l'époque où on abattait à la ferme, on abattait en dehors du corps de ferme. Il y avait un espace qui était d'ailleurs dédié à ça. Voilà, bien avant les règles ASCA qui nécessitaient. Et c'est pas juste une question du coup de rapport d'hygiène, mais c'est un rapport au sacré. C'est un invariant, anthropologique. On ne dort pas au-dessus du sang qui coule. Et on retrouve ça à peu près dans toutes les cultures. On s'éloigne en fait du lieu. On va tuer dans la cour, au fond de la cour, le poulet. On va pas le tuer dans la cuisine. Dans la chambre à coucher. Ou dans la chambre à coucher. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses. Bon, on va. Je suis désolée, hein, mais on va essayer quand même d'aller. Ça va s'arrêter. Tu sais, il y a des petites poussées. On va aller. De toute façon, on va aller du côté de la halle, et puis on va faire. Là, c'est couvert. Et voilà. Et je pense que. On a une belle introduction. Souvent, je la fais plus court, mais c'est toujours la souplesse. Et alors, j'ai oublié un truc. Que d'habitude, je pose une question quand même aux gens qui font partie des visites. C'était de savoir un petit peu, s'ils savaient qu'il y avait encore de l'abattage ici, qu'on tuait des animaux. Et toi, tu savais que... Je n'étais pas sûre. Je savais parce que j'ai aussi écouté. Est-ce que tu m'as écouté, oui. Et toi, vous saviez? Et toi, est-ce que tu savais est-ce que tu savais qu'on tue encore des animaux ici en plein milieu de Bruxelles? Tu étais déjà venu? D'accord. Voilà. Donc, on va aller. Un, deux, trois. On laisse tout comme ça. Est-ce que vous voulez? Est-ce que chacun a sa petite carte? Parce qu'on peut l'emporter, hein? Tout le monde. Ah. Voilà. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Prendre en deux. Voilà. Et le journal, vous pouvez le prendre aussi, si vous avez envie. Nous avons. Ah, et je finis ça. Ah ben, quelle pluie! C'est ça quoi? Dommage! C'est vrai que si on est pas mal dehors, c'est vrai que c'est dommage qu'il pleut. Oui, bah du coup, je pense qu'on va limiter un petit peu. Hein. Oh, c'est dommage! Oh, si tu veux, j'en ferai rien qu'une pour toi un jour. Hein? Chouette! Sous le soleil. Ah ouais, parce que. J'ai jamais vu l'entièreté du site, moi. J'ai toujours été jusqu'ici, mais comme la plupart des gens, je crois. C'est quoi, une mouette qu'on entend? Qui fait quoi? Ah, c'est une corneille. Une vache. Une vache. Une vache. Une corneille. Ah ouais, une vache. Pas mal. Une vache moderne dans les abattoirs en 2018. Alors... Une vache volante. C'est ça. Bon. Alors, bienvenue sous la halle. Ici, on a l'impression que la halle va plutôt bien, mais quand on voit, parce que c'était une histoire, hein, je ne sais pas si vous voyez là, en fait, c'est des espèces de tissus qui sont sur les ferronneries. Avant, c'était des vitres. Et donc, ils ont dû les retirer parce qu'il y avait une trop grande prise au vent. Et qu'on peut voir que c'est encore plus compliqué si on va à l'extérieur, là-bas. C'est la partie de la halle qui est le plus souvent confrontée au vent. Et donc là, il y a carrément des piliers qui sont un petit peu en difficulté. Et donc voilà, il faudrait quand même la rénover. Alors, première chose. Elle est belle en tout cas. Hein. Elle est, c'est vieux quoi. Ben, c'est, ce qui est intéressant avec ceci, c'est qu'on reparle de sacré et de viande pour repartir un petit peu sur nos principes. C'est qu'effectivement, ces halles, il y en avait quand même plusieurs à Bruxelles, plusieurs en Belgique. Je crois que c'est une des dernières qui est utilisée encore comme lieu de travail. Les autres ont été, on a mis des briques, on les a fermées, comme les halles de Scarbec par exemple. Il y en a d'autres qu'on a démontées, il y en a qui ont pris feu, il y en a qui... voilà. Et donc c'était l'époque où on magnifiait l'entreprise. C'était où il y avait quelque chose de sacré, donc on créait des grands bâtiments pour mettre en valeur le travail qui s'y faisait. Donc cette halle est censée en fait protéger quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite photo historique que je vous ai montrée. Il y avait quand même pas mal d'animaux. Il ne faut pas imaginer que tous ces animaux, ils allaient mourir à l'abattoir. En fait, c'était un marché aux bestiaux. On les vendait, oui. C'était un marché aux bestiaux. Mais effectivement, il n'était pas forcément nécessaire de faire un espace aussi majestueux. Quand même, c'est un carré de 100 sur 100 avec, je vous parlais de vitres, je vous parlais donc des piliers quand même assez ouvragés, il y a des petites volutes un peu partout. C'est quand même un espace qu'on a essayé de travailler comme, en tout cas, visible. Par exemple, il y a aussi les deux taureaux qui sont là-bas, qui ouvrent le lieu. Ce sont aussi des taureaux qui sont classés, c'est un monsieur qui s'appelait Isidore Bonheur qui a fait ça. Il y en a plusieurs un peu partout dans le monde d'ailleurs, les mêmes, parce que c'est un moulage. Donc ils se retrouvent là, donc c'était vraiment une manière de montrer que ce qu'on faisait ici, ça avait une certaine importance. Alors, si on parle de qui a construit ce machin, cette belle halle, c'est un type qui s'appelait Henri Ric et qui a fait des églises. Et ça, on peut voir ça dans les caves qui sont voûtées, comme ça, un peu comme... Il y a un côté... Alors, si on regarde notre taureau, on va peut-être pouvoir parler pratique alimentaire. Et on avait parlé blanc-bleu-belge tout à l'heure en disant que ce qui était intéressant dans la blanc-bleu-belge, c'est qu'il y a, c'est que l'arrière-train ait beaucoup de place. Soit, enfin. Alors, ce qui nous permet de retomber sur nos pieds, sur qui est-ce qui mange. Alors, ici, aux abattoirs d'Anderlecht, il y a un abattage rituel depuis toujours. Dans les années 20, c'était un abattoir c'était un abattage rituel pour la viande cachère, parce qu'il y avait énormément de juifs qui habitaient le quartier. Et donc, cet abattage avait lieu. Et puis, dans les années 70-80, lorsque la communauté musulmane est venue s'installer, parce que bon, on est allé les chercher pour travailler ici, hein, pour faire le métro essentiellement, apparemment, puis après pour faire d'autres choses, il y a eu l'abattage rituel musulman. En quoi est-ce qu'il est différent? Est-ce que vous savez si c'est différent ou si c'est la même chose? Vous savez un kosher peu et kosher et halal, je ne sais pas. Non? Bon. Alors, dans les deux cas, il y a la question... Vivant, comme... Enfin, je ne sais pas comment dire... Ouais. Alors, c'est toujours saigné vivant, oui, mais dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est saigné vivant. Enfin, dans les trois cas, c'est saigné vivant. Mais en fait, disons que chez les musulmans et chez les juifs, un musulman peut manger la viande abattue rituellement par les juifs, mais pas le contraire. Parce qu'en fait, les juifs ont encore plus de petites choses, enfin, complexifient encore un petit peu la chose. Et ils vont la complexifier notamment en ne mangeant pas l'arrière-train. Donc la fameuse blanc-bleu-belge où ils s'en foutent complètement parce qu'en fait, ils ne mangent pas les fesses des... Alors c'est un rapport au nerf sciatique, dont tu ne mangeras pas ce qui dépasse le nerf sciatique. Parce que un truc très compliqué, que moi je n'ai pas encore tout à fait fini de comprendre, il faudrait vraiment que quelqu'un me le raconte, plus que, parce que j'ai lu dessus, mais c'est toujours plus intéressant quand on raconte. Et donc, eux, ils ne mangent que l'avant. Et donc c'est intéressant parce que, quelque part, ils ont toujours dû se mettre en cheville avec d'autres confessions, parce qu'ils n'allaient pas jeter, évidemment, voilà. Et donc, ce qui est, le reste était mangé par ceux qui n'avaient pas beaucoup, enfin, qui mangeaient ça, quoi. Donc, les chrétiens, les musulmans, voilà. Alors, il y a d'autres choses aussi. Il y a un rapport au texte chez les juifs. Il y a trois personnes qui interviennent. Il y a l'abatteur qui donc va saigner la bête. Il y a un homme qui, souvent c'est des hommes, qui va en fait regarder que l'intérieur, les viscères soient parfaites. Donc il va faire un test, comme une sorte de test vétérinaire quelque part. Et ensuite, il y aura également quelqu'un qui vient et qui met une parole, qui tamponne une parole sur la viande. Et là, ça sera vraiment kasher. Donc là, c'est ça. Alors, il y a même aussi des trucs qui sont particuliers, qui sont plus dans comment est-ce qu'on consomme. Donc, et ça dépend aussi du degré de piosité, enfin, comment la religion va être pratiquée, à quel degré voilà, au niveau des pieux. On va dessaler aussi, on va laver la viande. On va la laver plusieurs fois. Et ce qui est intéressant, on la lave de quoi? On la lave du sang. Chez les musulmans, une question qui inquiète beaucoup les musulmans si on les oblige à insensibiliser l'animal, c'est pas forcément qu'ils soient. C'est la question du sang. Ils reviennent très régulièrement avec l'idée que si l'animal est inconscient, parce qu'on ne peut pas tuer un animal mort, il est déjà mort, c'est pour ça que. S'il est inconscient, le sang va couler moins. Et c'est vrai que quand on regarde les deux types d'abattage, lorsque l'animal est conscient et est saigné à vif, on va dire ça comme ça, la coulée du sang est assez impressionnante. Mais en fait, en particulier, à la fin, il y aura même une même quantité de sang qui sera partie. Mais seulement, il n'y a pas le côté impressionnant. Donc c'est pour ça aussi que les images de mise à mort sont terriblement impressionnantes en général parce que le sang coule très fort. Et voilà, donc ça c'est important. Ça c'est les deux, on va dire ça comme ça. Mais chez les chrétiens, on avait d'autres pratiques. À un moment, par exemple, on refusait de manger du lapin. Bon, ça c'est il y a très longtemps. Voilà, le lapin n'était pas vraiment considéré comme... Alors je ne sais plus, j'ai lu des histoires qui racontent du genre « Oui, c'est parce qu'il ne faut pas être... on a peur de devenir ce qu'on mange. » Or les lapins, on les connaît bien, ils se reproduisent assez régulièrement. Et donc du coup, il y avait un côté érotique, enfin, voilà, qui était un peu inquiétant. Et puis même aujourd'hui, quand on voit les gens comment ils ont... ceux qui, au-delà de tout rapport religieux, il y a peu de gens qui apprécient de manger du lapin. Je ne sais pas... vous mangez du lapin, vous? Oui, ça serait bon. Lapin. Conejo. Vous mangez du lapin? Non. Oui, oui. Oui, nous mangeons. Oui, c'est super bon. Oui, moi, je mange. On a tous des mangeurs de... Enfin, quasi tous. Toi, tu ne manges pas de lapin. Et tu manges de la viande? Non. Non. Et je voulais savoir, en fait, comment elles sont abattues, les bêtes, en fait? Je ne sais même pas. Alors là, je vais prendre un... Je peux te prendre comme, comme exemple. Ouais, il va me servir d'exemple. Okay. Bon, ça va pas être radiophonique, mais on va essayer d'expliquer en même temps. Hein. C'est ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Je sais pas comment tu vas faire, mais vas-y. Non, je vais... Enfin, je veux pas... Alors, il y a deux types d'abattage. L'abattage sans étourdissement et avec étourdissement. Alors, l'abattage avec étourdissement, en fait, y a un l'abatteur qui est avec un petit pistolet qui est à tige perforante. Donc c'est une tige qui rentre et qui sort. C'est pas une balle. Et donc il va la placer à un endroit bien particulier. Salut. Qui va le placer genre... Sur le front, quoi. Sur le front. Quelque part. Moi, à mon avis, même je me trompe. Je pense qu'il y a un angle particulier pour que ça touche en fait une partie du cerveau qui va faire que la bête va perdre conscience. Logiquement, elle est vivante. C'est mieux que... Enfin, voilà, elle est vivante. Donc, c'est pas ça qui va la tuer. Ensuite, il va passer le couteau et le sang va couler. Mais avant, évidemment... Il va passer le couteau où, en fait? Il va passer le couteau sous le cou. Il va toucher au niveau des jugulaires. Il ne peut le faire normalement qu'une fois. Voilà. Tout de suite après l'étourdissement. Alors, c'est pas juste parce que Camille... qui est là, il est à l'air libre, enfin mais en plus en fait il est enserré dans une cage de contention qui évite tout mouvement de l'animal, qui évite tout mouvement, mais en même temps qui donc ça c'est les travaux d'une dame qui s'appelle Grandin, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'abattage, mais aussi en fait de tous les traitements qu'on faisait pendant l'élevage, et qui a inventé en fait une cage, enfin une espèce de... Oui, c'est une cage qui serre très fort l'animal et qui permet en fait qu'il le tranquillise pour tous les soins, pour les soins vétérinaires, mais aussi pour jusque dans l'abattage. Pour l'abattage sans étourdissement, en fait, la seule chose qu'il n'y a pas, c'est le pistolet. Pareillement, c'est pas la même cage, c'est une autre cage qui le serre différemment et qui en fait soulève un peu le cou comme ça et qui va permettre de passer le couteau. Alors, selon aussi, parce que c'est compliqué, ici aux abattoirs, comme je vous ai dit, il y a 24-25 entreprises différentes, et ces 24-25 ont des clients différents. Et dans ces clients, il y en a qui sont pour l'abattage rituel, qui sont plus pieux que d'autres. Et donc, certains vont demander aussi qu'on bascule l'animal vers la Mecque. Et donc, cette cage est basculante. Mais souvent, moi, je ne l'ai pas vu basculer très souvent. Ça veut dire qu'en gros, c'est... Parce que là, par contre, moi, je trouve ça un petit... Enfin, je crois que ça... L'animal... Il y a des abattages cachers, ici. Tout à fait. Oui. Donc, ils sont à 3 personnes. Et ils vont être à 3 personnes. D'accord. Et ils vont être dans les pieds des vétérinaires. Et voilà. Parce qu'effectivement... Alors, ce qui est... Parce que moi, si je me suis mis à m'intéresser à toutes ces histoires d'abattage et de consommation de la viande et de pourquoi est-ce qu'on consomme différemment, c'est un jour, c'est ce que la première personne que j'ai rencontrée ici, c'est un monsieur qui s'appelle El Gouraba. Il avait son atelier juste là. Et c'est le jeune. Et puis, bon, je lui parle, on parle à bon ton rompu. Et puis, il me dit, oui, voilà, tu vois, chez nous, on fait l'abattage une fois par an. Chez nous, chez les... Donc, il parlait de ses propres pratiques familiales. Et ça permet, en fait, à tous les enfants de voir l'animal vivant et de prendre conscience en fait de l'acte que l'on pose. Par contre, il disait dans les systèmes totalement industriels, l'animal n'est qu'un objet. Et donc ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et donc c'est ça, on pourrait dire ça, eux, c'est parce que c'est dans leur pratique religieuse. Puis c'est des gens qui viennent de la campagne aussi la plupart du temps. L'immigration, en tout cas l'immigration marocaine en particulier, c'est une immigration qui vient des zones très rurales du Maroc. Et donc ils gardent un pied avec un doigt de pied à la campagne quand ils vont en vacances, quand ceci, ils vont là-bas. Un doigt de pied, c'est un ça que tu as dit. Un doigt de pied à la campagne, voilà. Puis ils reviennent en ville. Mais par contre, c'est vrai que chez d'autres personnes, les liens qu'on a, nous, enfin chez les urbains, les liens qu'on a avec la campagne, il y en a peu. Il y avait beaucoup de gens. Moi, j'avais une grande-tante qui avait une ferme. Mais mes enfants, ils n'ont plus, par exemple. Parce que la grande-tante, elle est morte. Et que dans ma famille proche, il n'y a plus. Ou il y avait des cousins qui élevaient un cochon au fond du jardin et qui demandaient au boucher ou qui s'arrangeaient pour le tuer. Et ça, il n'y a plus. Et donc, quelque part, maintenant, la manière dont on consomme la viande, c'est à travers des professionnels uniquement. Donc, les bouchers ou les supermarchés avec le fameux steak en barquette qui fait qu'on n'a vraiment plus de lien avec, avec l'animal tel qu'on le voyait. Et donc, quelque part, c'est du coup, l'animal devient un objet. La viande, finalement, est un objet. Chaque animal continue à être abattu individuellement par une personne. C'est un abattage qui reste artisanal avec une main d'une personne. C'est pas un... Heureusement, la question de la viande, même dans les grands abattoirs industriels, la main humaine est nécessaire parce que même si on dit que la viande est un objet, l'animal ne l'est pas et tout animal est différent. Et donc quelque part, à part certaines les poulets, ils sont. Les poulets, c'est autre chose, ils ne sont pas découpés. Ils sont découpés, machin. Mais par exemple, ici aux abattoirs, la seule vraie. Ce qui est vraiment mécanisé, c'est la découpe du cochon en deux. Parce que les cochons, aujourd'hui, beaucoup plus que les bovins, ils sont abattus au même poids et la même taille, c'est souvent la même race. Et donc, quelque part, c'est assez facile de profiler la machine. Hein. Mais par contre, pour les bovins, en tout cas aux abattoirs ici, ça peut être différent ailleurs, tous les animaux qui arrivent sont différents. Moi, j'ai déjà vu arriver un animal qui était tellement grand qu'il doit passer du rez-de-chaussée au premier étage pour être travaillé, après être tué. Ils ont dû le travailler en bas parce que c'était trop haut, ça passait pas. Donc il y a ça. Et puis il y a des veaux aussi qui sont tout petits. Donc les animaux sont très de taille, de force, de race très différentes. Et donc l'humain est nécessaire parce que le travail de la viande, c'est suivre les muscles. Et les muscles sont tous différents. Et donc quelque part, oui, l'abattoir ici à Anderlecht pour les bovins et en partie pour les cochons. Même si la mécanisation est plus importante pour les cochons, c'est encore du travail artisanal et surtout du travail très qualifié. Et c'est vrai que il y a beaucoup de dans les grosses centrales de découpe. Moi, je sais pas, on va citer des noms. Hein, Veviba, non, en fait. Non, mais dans les grandes centrales. Parce que Veviba, par exemple, c'est un autre exemple. Moi, j'ai appris, parce qu'on a cherché un peu, c'est M. Verbiest qui a ça. Il en a 5. Il a 5 abattoirs. Enfin, un abattoir ici à côté, c'est 84 000 bovins. Et c'est plus du taureau, apparemment. Par an, ici, c'est 34 000 ou 35 000. Donc ça. Puis si on additionne Zottegem, Bastogne, Rochefort, il en a encore deux autres, je ne sais plus trop bien où, et bien là on retrouve des quantités monstrueuses, et c'est là où il peut y avoir des soucis, parce que quand on a une telle masse à surveiller, ça devient compliqué, et donc il y a des passages de viande à viande. Et c'est un truc énorme, enfin, on va pas discuter de ça, mais c'est un truc énorme. C'est de la viande qui datait de... qui date de 2012. Ici, la question, par exemple, ça va être compliqué d'avoir ce genre de situation, parce que la question, c'est où est-ce que tu stockes. Et donc, moi, je me dis, où est-ce qu'on a pu stocker de la viande congelées aussi longtemps, parce que la place que peut prendre des lots pareils, c'est important. Et donc, je dis, ils devaient avoir, eux, ils ont de l'espace pour stocker. Ici, il n'y a pas d'espace pour stocker. C'est pas possible. Je veux dire que ça peut pas, il n'y a pas de chose qui peut rester au frigo pendant autant de temps. Ça emmerderait tout le monde, quoi. Si, aux abattoirs, quoi. Il n'y a pas la place. Oui, il n'y a pas la place. Qui sait, il y a peut-être. Non, tu connais peut-être pas tout. Hein. Oui, c'est vrai que je devrais un petit peu fouiller. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un autre rapport. C'est des plus petites structures. Voilà. Et voilà. Quand tu parlais, tu prenais l'exemple ici avec le couteau qui coupe. C'est ça, hein, tu expliquais. Donc ça veut dire, quand on dit que c'est artisanal, ça veut dire qu'il y a un mec, plusieurs, chaque fois, ils prennent le couteau et ils font... Oui, et il faut savoir... C'est dingue, ça. En tout cas, celui qui... Jean-Claude, qui est un des... qui est un des tueurs, il y en a trois qui tuent. Et les autres, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Pourtant, ça tourne, hein, ils pourraient aussi, hein, ils sont formés pour, mais il n'y en a que trois qui font ça. Et Jean-Claude, lui, ça doit faire 25 ans qu'il fait ça. 20-25 ans, j'arrive plus à compter à force, parce que ça fait 5 ans que je suis là, donc je suis le vieux chiffre. Il tue les bêtes, alors? Il tue les bêtes. Et quoi? Il ne fait pas que les tuer, il les amène aussi, il va les chercher dans la... Dans la prairie. Dans la prairie, dans l'étable. c'est lui qui amène. Et je veux dire qu'il prend... Du coup, il regarde, il voit comment l'animal réagit, il voit s'il est calme, s'il n'est pas calme. Donc, je crois qu'il a... Enfin, ça permet, du coup, toutes ces choses-là permettent d'avoir un rapport plus doux. C'est pas une espèce de suite sans fin. Parfois, oui, il y a des rushs. Hein, il y a parfois une vingtaine de bestiaux qui arrivent, et là, machin. Mais il y a moyen aussi de prendre son temps. Et ça, c'est important parce que c'est pas la machine qui décide, en fait, quand l'animal est tué. C'est l'humain qui le fait, quoi. Qui va prendre éventuellement plus de temps, le temps qu'elle se calme, qu'elle soit tranquille. Et voilà, donc c'est le temps. Et l'abattage rituel est en fait quelque chose qui bloque le temps, enfin qui met du temps, qui prend du temps. Si on veut bien le faire, ça prend plus de temps, effectivement, de laisser saigner un animal qu'on n'a pas étourdi, parce qu'en fait, il va être conscient plus longtemps. Alors que parfois, moi je me pose vraiment cette question-là, si je rends inconscient Camille, et que je le... Camille, que je le coupe... Il tombe par terre, il a l'air inconscient, mais si je le bouge, il a peut-être encore mal parce qu'en fait, il n'est pas tout à fait mort. Là, quand il est abattu non rituellement, clairement, en fait, il y a, on voit, tant qu'il bouge, entre guillemets, il est encore vivant et donc on va devoir faire plus attention. Vraiment prendre le temps. Et ça prend entre 3 et 4 minutes pour qu'un animal parte vraiment simplement... en le coupant. Et donc il faut attendre ce temps-là. Et il y a des tests, hein, on fait des tests, on doit mettre le doigt sur les paupières. Si elles réagissent encore, ça veut dire que l'animal est encore conscient. Et donc ça, c'est tout un travail aussi qu'on a fait nous, avec des vétérinaires qu'on a fait venir, enfin hein, que moi j'ai fait venir, et puis surtout avec le responsable qualité d'abattoir qui était tout à fait partant pour ce genre de choses, pour rappeler ces choses-là aux abatteurs. Et donc, ça fait partie du travail de Forum Abattoir. Et de réfléchir aussi au futur et à l'ergonomie. Et qu'elles prennent en compte, finalement, le positif de ce que les rituels peuvent amener. Par exemple, aussi dans les rituels, les animaux vivants ne peuvent pas voir un animal mourir. Ça fait partie normalement du rite. Et dans les abattoirs industriels qui abattent de manière halal, enfin pour le halal, les animaux se suivent à la queue leu-leu et voient forcément. Ou ce qu'on a vu aussi quand il y avait les abattages ponctuels liés aux fêtes de l'Aïd, il y avait tellement de monde qui demandait et c'était tellement mal organisé, je dirais, que forcément les animaux voyaient les autres mourir. Et donc, si on faisait appliquer cette petite chose-là, je pense qu'on réglerait pas mal de choses dans la question de la souffrance, enfin, du bien-être animal, si on prenait le temps de faire ce genre de choses. Si on ne le prend pas, forcément, on va faire souffrir énormément les animaux. Et je pense pas que c'est une question de... on va pas faire de l'anthropomorphisme en disant que l'animal... Enfin, si, on peut faire de l'anthropomorphisme en disant que l'animal n'a pas forcément envie de voir son congénère mourir, mais c'est aussi simplement que, du coup, ça oblige à casser les cadences, à les diminuer. Si on applique ça, on va devoir prendre plus de temps. Et si on prend plus de temps, il y a moins de souffrance, et pour ceux qui travaillent, et pour les animaux qui sont abattus pour qu'on les mange. Voilà. On va continuer. Hein. Vous mangez de la viande ? Hein ? Vous mangez de la viande ? Je mange de la viande, oui, oui, okay. Je mange de la viande. Pas tous les jours, mais je mange de la viande deux fois par semaine. Deux fois par semaine, ouais. Plus ou moins. Bien ça. Bah, il pleut plus là, regardez, il fait beau. Toi tu manges pas de viande. Non, je mange pas de viande. C'est enfin, rigolo. Si je mange de la petite, parfois de la volaille ou bien du poisson. Mais la tuerie. Donc vous voyez les deux. Ça fait vraiment comme l'ambulance en fait. Hein. Vous voyez les deux portes de garage. C'est à ce niveau-là derrière que a lieu l'abattage. Donc sur la gauche c'est les étables et sur la droite c'est là où se découpe la viande. Et effectivement on voit pas grand-chose. Hein. La plupart du temps, les gens vont jusque-là. On peut s'approcher, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas... De toute façon, d'ici, on ne voit rien. Il n'y a pas d'abattage pour le moment. Non, il n'y a pas d'abattage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la question de la visibilisation. C'est-à-dire que, effectivement, ça n'a pas l'air d'être un abattoir. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être une fabrique de chaussures, une fabrique de chocolat, n'importe quoi. On ne voit pas forcément ce que c'est. Et, oui, parce qu'on n'est pas dedans. Parce qu'on n'est pas dedans et puisque les murs sont... Voilà. C'est, alors que l'abattoir tel qu'il a été construit dans les années 1890, là, c'était des ateliers, des petites maisons sous forme de village. Et on pouvait passer en fait de l'un à l'autre, les portes étaient ouvertes et là on pouvait vraiment regarder ce qui se passait à l'intérieur, les animaux circulaient. Il y avait moins ce rapport de « il faut cacher les choses ». Il faut cacher cette activité-là. Pourquoi ? Je crois que c'est un rapport. Enfin, pourquoi ? Ça, c'est notre rapport. Parce que je parlais du rapport au... On a évolué, je pense, en 100 ans. Maintenant, il y a peut-être plus de tabous sur ce genre de choses. Alors, c'est un sujet vachement délicat, la viande, aujourd'hui. Hein. Oui, peut-être, oui. Mais c'est sûr. C'est sûr, on touche à quelque chose. Oui, c'était pour ça que je trouvais intéressant de parler du rapport au sang des communautés juives et musulmanes. Notre rapport au sang n'est pas beaucoup plus simple. Quand on voit l'évolution de la consommation des produits carnés, on voit vraiment une direction vers les viandes blanches, vers le poulet, vers les viandes qui... le veau éventuellement, vers toutes des viandes ou alors des produits constitués comme les saucisses. Des viandes qui finalement exsudent peu de sang à la cuisson. Et je me souviens d'un monsieur qui racontait « Ah, je me souviens, j'allais chercher le steak de cheval et ce que je préférais, c'était le sang qui était autour dans l'assiette. » Et ça, je prenais ça avec le... je prenais ça avec le pain et voilà. Et donc, et quand il a raconté ça, la moitié des gens faisaient « Urk !» Effectivement, on a un autre rapport aujourd'hui au sang qui est... Alors, voilà, savoir pourquoi, ça c'est compliqué, je ne suis pas... Moi je ne fais que relever ce que les gens racontent. C'est intéressant de réfléchir un peu ensemble aussi, du coup, mais c'est peut-être que la mort, on ne veut pas la voir, on ne veut pas la regarder, tu sais, comme un truc, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu tabou quoi la mort. Limite le sexe aujourd'hui, tu sais, on le voit partout, on en parle et tout, mais la mort, surtout... Non, pas la mort, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses ? Non mais il paraît que dans l'histoire, par exemple, c'était l'inverse. Avant, la mort, elle nous côtoyait, elle faisait partie de la vie. Par exemple, le mort, eh bien, il mourait chez soi à la maison, et on était autour de lui. Et le sexe, c'était tabou. Maintenant, c'est carrément inversé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas évident d'avoir une discussion un peu informelle avec un micro comme ça, je t'avoue. Ouais. Oui, c'est compliqué. Non, je sais pas trop, là. T'es pas arrivé mal à l'aise. Ouais, c'est pas... Ouais, je pense que c'est une tendance générale, hein, qu'on peut observer. Voilà. Oui, je pense, oui. Oui, on a un rapport particulier à la mort aujourd'hui où je pense qu'on veut surtout pourvu qu'elle soit douce, je pense. Et tant mieux quelque part, hein, pourvu qu'elle soit douce, la mort. Personne n'a envie de souffrance quand on meurt. Mais je pense qu'on rêverait en fait de pouvoir continuer à consommer de la viande, par exemple, en espérant que l'animal n'ait pas souffert lors de son élevage ou de son abattage. Mais tout passage de la vie à la mort, à mon avis, ou même de la vie, crée une souffrance. C'est compliqué de faire l'impasse là-dessus. Moi, je trouve ça un peu hypocrite de se focaliser uniquement sur l'abattage, parce que moi, je pense qu'il y a bien plus, enfin, je veux dire, il y a toute la façon dont on traite l'animal avant l'abattage. Tu parlais d'objectivation, de la dévalorisation de l'animal. Moi, je pense que je suis plus choquée par une sorte de dévalorisation d'un animal et d'estimer que finalement, il a pas de valeur en soi. Il aura juste son poids kilo qui va être déterminé. Moi, c'est ça qui me choque. C'est pas le fait d'enlever la vie, c'est le fait de ne pas lui accorder de la valeur, en fait. Ouais, bah moi aussi, je trouve. Ça me parle, quoi, ce que tu dis. Bien. Alors, on va faire un tout petit tour dans le quartier, maintenant. Tout petit. Je ne sais pas trop bien l'heure qu'il est, mais je pense que ça passe. 5h30. Ah. Je sais pas très bien comment faire autrement avec mon micro, tu vois. J'aimerais bien qu'il soit dans ma poche. En fait, tu vois, le fait de des fois parler, c'est pas évident quand quelqu'un, tu vois, quelque chose de moins informel, en fait, donc tu te sens un peu moins libre. C'est un rapport de discrétion. Ouais, mais moi je suis pas de la police avec mes micros cachés, tu vois, je fais. Oui, mais j'ai mon micro normal. Bien sûr. C'est juste que des fois on a. C'est pas plus. T'es mal à l'aise par rapport au micro, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Voilà. Moi je suis pas très à l'aise non plus. Hein. Mais moi je comprendrais, il y aurait des images, il y aurait une télé, on serait là, d'accord, mais là, allez. Non, mais le son, c'est encore une très grande liberté, vous vous rendez pas compte, quoi. Le son, c'est libre, quoi. On peut faire ce qu'on veut, on est comme on a envie. On est quand même capturé. On est capturé avec ce que l'on dit. Bah oui. Tu vois, c'est. Surtout, il vient de passer pour être un. Pour un animal de boucherie, donc forcément il doit se remettre un peu. Quoi. C'est ça. Quoi. Je m'en mets d'abattage. C'est ça. En tout cas, voilà, je voulais pas agresser avec mon micro. Non, je sais. Mais c'est juste. Voilà. C'est assez. Oh, on va carrément par là. Oui, on va traverser la rue Repsi-Chaudron. Oui, mais c'est ça. Après, j'avais envie de discuter aussi avec toi, parce que moi aussi, je mange très peu de viande. Enfin, je mange pas de viande. Mmh. Sauf quand j'en mange une de temps en temps, parce que quand même, j'ai été éduquée à ça. Mmh. Je me trouve une bonne viande bio, même si je sais pas si... tu vois. Donc, ça me parle, ce que tu dis, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est un sujet vachement chaud, tout ce qui a à voir avec la viande. Il y a les antispécismes. Il y a je sais pas si tu as lu dans le Libération de la semaine dernière, je crois, il y avait vraiment tous des échanges entre ceux qui étaient pour la viande, ceux qui voulaient l'abolir carrément. Tant mieux que ça devienne un débat important. Je sais. Parce qu'il y a maintenant aussi toutes les conséquences de la production de viande au niveau de l'environnement aussi, qui sont dévastatrices. Oui, exact. Enfin, je veux dire, il y a plein d'impacts. Et puis moi, heureusement qu'on en parle. Juste une petite chose. Oh putain. Magasin Romena, quelque chose comme ça, je le prononce très très mal. Et puis on a De La Fraîche qui est située juste là. Alors, de quoi tu parles là? C'est des boucheries. Ok. Donc ce sont 3 boucheries. Attends, parce que là j'essaie d'avoir tout le monde. De la fraîche, ils ont leurs ateliers en dehors de l'abattoir, mais seulement ils abattent leurs animaux sur place, ici aux abattoirs. Et ils vendent en fait, eux ils vont pas vendre de viande halal, mais par contre ils vont vendre plus ce, tout ce qui est viande fumée. Et donc, qui est-ce qui va acheter de la viande chez eux? On va avoir les Africains et les gens de l'Est, les gens des pays de l'Est. Donc c'est assez drôle de voir comment ils se sont redirigés, parce que de la fraîche n'a rien à voir avec cette histoire-là. Je crois que c'est une histoire d'alliance qui s'est faite entre une entreprise familiale, des gens qui sont venus de l'Est, et c'est là que viennent beaucoup d'Africains chercher à manger. Pareil, Roi du Jambon, ils ont gardé le nom, mais c'était une entreprise historique d'Anderlecht et qui a été reprise par des gens venus de l'Est. Donc c'est toujours... Donc on va continuer un petit peu la rue Evart. Donc c'est cette fameuse rue qui sépare les abattoirs d'Anderlecht des ex-abattoirs de Bruxelles. Il faut savoir que cette rue a été construite pour en même temps que les abattoirs. Avant, ici, c'était complètement... C'était un tissu qui n'était pas urbanisé. Donc c'était pas la campagne, mais c'était pas urbanisé. Et ça s'est urbanisé petit à petit entre les deux constructions. Alors on a ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Donc moi j'aime assez bien cette boucherie parce que c'est une boucherie que on. Des choses qu'on voit essentiellement ici dans le quartier, qu'on ne va pas forcément voir dans d'autres quartiers, c'est quand même toute une série de d'abats. Et aussi, en fait, là, on n'a pas de tête, mais parfois, il y a les têtes d'animaux aussi qui se mangent. Il n'y a pas longtemps, j'ai pu goûter de la cervelle cuite dans une tête. C'était un peu particulier, mais surtout c'était assez drôle, c'était que la personne qui avait cuit ça au four ne savait pas comment l'ouvrir. Et alors il y avait trois femmes qui étaient là, et elles répondent, tu suis la fontanelle, parce qu'elles ont eu toutes des enfants, et donc elles se souviennent du fait que la fontanelle... Et donc le mec, il a réussi à ouvrir. Mais donc c'était assez amusant de voir le lien. Voilà. Donc... Ici, on va avoir donc Africa Meat, et donc on va avoir. C'est indiqué. Ah, la tête. Voilà. Excellent. Et non, mais je crois qu'il sait ce qu'on vient chercher. Regardez. Mais n'empêche qu'il y a plein de choses, effectivement, des choses que. Bon, ça, c'est clairement. C'est pas des pattes de porc, hein, parce que sinon, ça serait un peu gros pour être des pattes de porc. C'est de la vache. Voilà. Et d'ailleurs, on va pas trouver de porc ici, parce que c'est essentiellement. C'est halal. Et donc, pareil, là, ce qu'on va trouver comme population qui vient acheter, ça va être c'est l'Afrique noire. Afrique subsaharienne musulmane. Mais pas seulement. Il n'y a pas que les musulmans qui mangent de la viande halal. Il y en a certains qui viennent là parce que. Voilà, pour différentes raisons, c'est plus proche. Et puis il y a aussi des panses de brebis, il y a des foies. Des panses de brebis ? Oui. C'est des foies ? Les gros bazars là ? La cervelle et les... juste derrière, je sais pas, la peau. Ouais, il y a de la cervelle. J'ai l'impression que c'est des abats ou des... C'est un mélange de choses très différentes. Ça, il y a plusieurs choses. Hein. Une autre anecdote, donc ça c'est au marché aux viandes, aux abats, il y a aussi... des abats qui se travaillent directement sur les abattoirs, qui sont vendus au marché aux viandes, c'est l'entreprise Goffard. Moi, je regardais un petit peu comment est-ce que les gens, achetaient et tout ça. Et puis, il y a un type, un grand mec qui dit « Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ?» Une espèce de bac comme ça, rempli de trucs tout rouges, divers et variés. Et la nana, elle répond « Bah, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux ?» Puis, il dit « Ça, c'est du pénis !» Et la nana, la vendeuse dit « Bah non !» Et puis alors, moi je le regardais. Et il me dit « Quoi, tu trouves ça bizarre que je mange du pénis ?» Je dis « Oh bon non, je sais pas, j'en sais rien, qu'est-ce que tu veux ?» T'as pas osé dire oui. qu'est-ce que tu veux ? Et il me dit, non, mais c'est parce que chez nous, ça apporte de la puissance. Donc ça veut dire que, je ne sais plus exactement, et c'est toujours les trucs un peu idiots, parce que tu dis, pourquoi je ne vais pas demander de quel pays il venait, de quelle culture, de quel truc ? Parce que moi, je suis restée juste avec cette anecdote-là. Mais donc, effectivement, on a tous les rapports à la consommation des pièces animales sont très différentes. On raconte à chaque fois des histoires très différentes. Et on a aussi des choses qui ne sont pas inquiètes. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Donc, une petite balade, je leur parle. Moi, je travaille aux abattoirs, là. Et donc, je raconte un petit peu en quoi c'est spécial aussi vos boutiques, parce qu'on ne voit pas ça dans tous les quartiers. Mais justement, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'on est près de l'abattoir, en fait. Moi, je ne saurais pas parler. Non, mais t'inquiète. Mon micro est là, tu t'occupes pas du micro. Ça va, mais justement. Y a pas d'image, de toute façon, tant mieux. Je veux dire que c'est pourquoi on vend ça, c'est parce qu'on est juste près de l'abattoir, en fait. Si on était un peu loin, on n'allait pas avoir des morceaux pareils. Le moins de trouver ça facilement. Voilà. Avec les Africains aussi. Les Africains aussi, voilà. Donc, moi, je peux pas parler. Moi, je travaille là. Non, t'inquiète pas. Oui. Merci beaucoup pour ce moment. Oui. Mais non, je comprends tout le monde. À une prochaine. Au revoir. Salut. Il y a un peu tout, madame. Il y a les Belges, des Hollandais, des Allemands, un peu tout. C'est quoi le nom de la boucherie ? Africa Mix. Voilà. Et voilà. Bah, on va continuer, ouais. Ils vont nous rejoindre. Oui. C'était professionnel. Six, we yeah. To be pleasure. So we. Yeah, I know. Ouf. Et 5h35. Merci, hein, merci. Yeah. Je vous ramène au. On va repasser par la rue Petit Chaudron, comme ça on va au. Je vous amène au métro. Mais donc si on continue. Juste une chose, si on continue un peu plus loin, donc c'est la rue Evard, c'est les fameux commerces de voitures. Donc c'est là que vous allez trouver. Le long du canal aussi, il y a plein de garages. Il y a pas mal de garages. J'ai travaillé dans un garage. C'est vrai. C'est trop chouette. On va prendre la rue aussi Chaudron. C'est comme il pleuvait, du coup, on a pris beaucoup de temps à l'intérieur. Et puis après, on ramène tous ceux qui doivent partir pour 6 heures, on les ramène au métro. Et puis tous ceux qui doivent, qui peuvent continuer, on continue. Donc, on pensait aller manger chez un Libanais. Manger où ça ? Chez un Libanais. Tu viens ? Non. Mais il y a plein de trucs à manger. Non, mais je suis sûre qu'il y a, j'adore la cuisine libanaise, je suis sûre qu'il y a moyen de manger végétarien ou c'est pas vegan. Non, c'est pas ça, je m'attendais pas à ce que ce soit. J'avais pas prévu que ce soit si long. Ah ouais, c'est pas grave. Oui, c'est long. Bon, ben c'est fini ou quoi la visite ? Non, pas tout à fait. Qu'est-ce que tu vas continuer à faire maintenant, en fait? Non, ben... Qu'est-ce que tu voudras, qu'est-ce qu'on va rater, en fait? Je n'allais pas résumer ce que tu vas dire quand on partira. Bonjour. Bonjour. Donc, juste un truc assez amusant, c'est donc il y a tous ces commerces. Bonjour, madame. Bonjour. Donc tous ces commerces, la plupart du temps, avant c'était des anciennes boucheries qui ont été transformées. Okay. Donc parfois on va trouver, celui-ci il n'a pas gardé les carrelages, mais dans certains on va retrouver les carrelages, ils ont juste mis les étagères. Alors aussi c'est du commerce exotique, là on a du manioc, on a des bananes plantains, plusieurs sortes de patates douces aussi, des choses dont je ne connais pas le nom. Et la plupart du temps, on va trouver surtout des gens, c'est plutôt à destination des populations africaines, mais pas que, hein. Il y a aussi les Indiens qui viennent acheter pas mal de choses ici. Mais ceux qui tiennent, on va voir plutôt des gens qui ont, je sais pas, je pourrais leur demander d'où ils viennent, mais plus souvent du Pakistan, mais pas directement en fait. Parfois, certains ils sont passés dans d'autres pays avant d'arriver ici, y compris des pays d'Afrique. Parce que les Pakistanais ont eu l'habitude en fait de s'expatrier pour tenir des commerces un peu partout dans le monde. Donc ça c'est aussi intéressant. Italie aussi. En Italie, beaucoup de Pakistan. Oui, fait ses commerces. Dans la version sous le soleil, on se balade beaucoup plus en fait. Ouais, ça doit être plus chouette. Mais comme j'ai pas envie d'être malade pendant une semaine, après, éviter une télescope. C'est marrant, c'est quoi comme légumes ça? Non. Ouais. Non, il n'y a pas de caméra, vous inquiétez pas. Non, on n'est pas. Il n'y a pas d'image, madame. Juste, ça s'appelle comment ça? Ça fout, c'est comme une aubergine, c'est ça? On va dire, c'est un légume. C'est un légume? Ouais, comme l'aubergine est là. Ah, pardon. Petit aubergine. Petit aubergine, il y a à la vapeur. Quelle est la langue? Ça fout, c'est ça? C'est le safou. Ça fout. Ça diminue le cholestérol et les diabète. Oui. Ah ouais. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur internet. Hein. Oh, là, c'est ça? Oui. C'est laquelle, la noix là? Ça, c'est la noix là? Et ça, comment ça s'appelle? Ça, c'est la diadia. Gadiadia. Alors là, vous allez, si je prononce, vous allez rigoler. Gadiadia. Et ça se mange comment? Bonjour. Bonjour. Et ça se mange comment? C'est pour éviter les cycles. D'accord. Donc il y a plein de choses qui se vendent ici. C'est magnifique. On va aller. C'est demain. Merci. Hein. Merci. Oui. On regarde. Tu t'en vas? À une prochaine. Bon, ben au revoir. Hein. La dame qui ne mange pas de viande, un petit peu qui ne mange pas de viande, un peu de poisson. Dans ce groupe, pourquoi tu venais comme parce ça? Parce que je travaille avec des animaux de ferme, moi. En fait, je travaille avec des animaux de ferme, et donc je suis vraiment intéressée en fait aux animaux de façon générale. Qu'est-ce que tu fais comme travail avec les animaux de ferme? En fait, je danse avec eux, je pratique la danse contact improvisation, en fait, avec essentiellement des bovins, en fait. J'ai commencé à travailler avec les vaches, et puis alors je les ai suivies. Puis donc j'ai eu les veaux, puis du coup je mélange avec des taurillons en fait, parce que des taurillons, des taureaux. Et j'en ai extrait un du circuit de consommation pour l'affecter au travail corporel et artistique. Et voilà, donc c'est un veau, maintenant il a un taureau, il a 8 mois. Et je vais chaque semaine donner des cours de danse au taureau. Mais quoi, le taureau il danse alors? Oui. Avec toi? Oui. Et c'est un spectacle à voir ou bien c'est toute l'année comme ça que tu travailles ce... En fait, je vais donc chaque semaine en fait travailler avec les animaux, avec ce taureau-là. Avec ces taureaux, ils sont deux en fait. Et oui, on peut observer. Spectacle, je dirais pas, mais c'est vraiment... c'est une observation en fait du rapport des animaux avec les humains et comment la créativité ouvre à d'autres... Notre façon d'aborder l'animal, quoi, et des choses assez particulières. Hein. Ok, c'est pas vraiment un spectacle, c'est une approche que tu mets en place. C'est une approche, quoi. Depuis combien d'années? Mais depuis 2 ans, je travaille avec les animaux de ferme, et spécifiquement dans cette ferme-là, ça fait 8 mois. Enfin, ça fait j'ai commencé en juillet de l'année passée. C'est quelle ferme? C'est la ferme du Dorlou. Du? À Hatte. Du Dorlou à Hatte. Ok. Ouais. Incroyable ça comme histoire. Mais vite, après je t'ennuie plus parce que tu dois partir, mais quel rapport entre l'abattoir et la vache? Tu vas me dire, ok, je le vois un peu, mais ça n'a rien à voir en même temps, le fait de tuer pour manger. Enfin, ouais, je sais pas. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la destinée de l'animal dans son complet. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec les vaches, forcément, je travaille avec des animaux qui sont dédiés à la consommation. Donc, je ne peux pas faire fi. Du destin en fait, de la vie des animaux avec lesquels je travaille, avec lesquels je danse. Je sais qu'à un moment donné ils vont partir, ils vont être abattus, et les destins les plus tragiques, on va dire, si on voit d'un certain point de vue, c'est ceux des mâles, puisque les mâles... Ouais, là faut trouver rue Evart à boire un thé. Ok, moi je vous rejoins rue Evart, jusqu'ici à droite. Ouais. puisqu'en fait les mâles en fait sont abattus très tôt puisqu'ils ne servent à rien en fait, ils ne servent pas au lait et à la reproduction. Donc du coup les mâles ils se trouvent abattus entre les veaux c'est quelques mois et puis les taureaux c'est 24 mois et comme disait notre guide, il y a presque plus de bœufs. Avant ils avaient des espérances de vie bien plus importantes, les vaches et les animaux, mais depuis qu'on veut une viande jeune et maigre etc, on abat l'animal de plus en plus tôt et c'est ça qui est pour moi grave quoi. C'est les habitudes de consommation alimentaire de viande qui sont bien pires aujourd'hui qu'avant. Oui, les conditions de la vie de l'animal, quoi. Alors, les conditions, mais je veux dire aussi l'espérance de vie. Donc, ils ont une espérance de vie qui est proche du zéro maintenant. Alors qu'il y a 30 ans, l'animal pouvait encore vivre 8, 9, 10 ans, 12 ans. Une vache, on l'abattait plus tard. Maintenant, on abat les animaux très, très tôt. Vous avez l'air d'être bien consciente de tout ça, là. Mais c'est incroyable, votre histoire. OK. La danseuse avec les animaux, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, la danse, oui, une approche en tous les cas d'un certain type, on va dire. Curieuse de voir ça, vraiment. Hein. Merci beaucoup. Hein.